Le prophète Ézéchiel. Par l'abondance de leur matière, les livres d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel occupent une place prépondérante parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Cependant, leurs auteurs ont vécu dans des circonstances fort différentes. Ésaïe a exercé son ministère à Jérusalem plus d'un siècle avant la captivité. Jérémie a participé aux événements de la prise de Jérusalem et a achevé sa prophétie en Égypte. Ézéchiel, quant à lui, a été le messager de l'Éternel auprès des captifs de Juda, sur les rives du Kébar, une rivière de Mésopotamie, à plus de 1000 kilomètres de sa patrie. Mais les écrits d'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel se complètent, forment même une sorte de trilogie, chaque livre mettant l'accent sur l'une des personnes de la Trinité divine. Ainsi, Ésaïe, dont le nom veut dire « salut de l'Éternel », annonce surtout la venue et le ministère de Dieu le Fils. Il fait de si fréquentes allusions à Jésus-Christ qu'on l'a surnommé le prophète évangélique. Jérémie, qui signifie « l'Éternel est élevé », magnifie constamment la personne de Dieu le Père, le Tout-Puissant, qui agit en jugement sur les coupables et en grâce sur ceux qui se repentent. Pour sa part, Ézéchiel, littéralement « l'Éternel fortifiera », fait ressortir l'œuvre de Dieu le Saint-Esprit. Il mentionne 17 fois l'Esprit de Dieu en montrant l'efficacité de son action pour renverser les forces ennemies et restaurer Israël. Ézéchiel était vraisemblablement très jeune lorsqu'il a subi la déportation. Il faisait partie des captifs emmenés par le roi Nebuchadnezzar autour de l'an 605 avant Jésus-Christ. Il était donc en Babylonie lors de la destruction de Jérusalem en 586. Et il a pu considérer cet événement avec une distance que n'avaient pas ceux qui étaient au centre du drame. Nous l'avons dit, Ézéchiel était avant tout le prophète du Saint-Esprit. Aussi, l'Esprit de Dieu l'a-t-il travaillé jusqu'à ce qu'il exhorte les fils de la captivité de la part de l'Éternel. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Ézéchiel 3, 14. C'est le Saint-Esprit qui l'a transporté en esprit des rives du Kébar jusqu'à Jérusalem, où il a vu la gloire de Dieu s'éloigner du temple. Chapitre 8, verset 3. Et c'est encore le même Saint-Esprit qui l'a ramené en Mésopotamie pour qu'il explique aux Israélites de la captivité les raisons de l'imminente destruction de la ville sainte. Chapitre 11, verset 24. Châtiment, destruction. Mais ce ne sera pas le point final dans le plan de Dieu. Dans une vision, Ézéchiel voit une vallée remplie d'ossements desséchés qui ressuscite sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Une fois de plus, le prophète est associé à l'œuvre de l'Esprit et il prophétise ce qui s'accomplira 25 siècles après sa mort, la résurrection nationale d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes les témoins de cet événement que la Bible présente comme le prélude du règne messianique de Jésus-Christ sur la terre. Deuxième caractéristique du ministère d'Ézéchiel, il a vu à plusieurs reprises la gloire de l'Éternel. On peut en cela le comparer à l'apôtre Jean, prisonnier sur l'île de Patmos, qui reçut lui aussi révélation de la gloire future de Jésus-Christ. Ézéchiel, également captif, se trouvait dans des conditions propices pour que le Tout-Puissant lui accorde la vision d'une gloire divine plus redoutable que le déchaînement des éléments, une gloire qui remplit le ciel et la terre. Chapitre 1er. Puis, c'est la révélation de la gloire du Dieu d'Israël qui se retire du sanctuaire de Jérusalem à cause des profanations idolâtres renouvelées en plein temple. Chapitre 8 à 11. Mais cette même gloire divine reviendra s'installer à Jérusalem lors du futur règne messianique. Elle habitera alors dans un nouveau sanctuaire, chapitre 40 à 48, dans la ville que l'on appellera « L'Éternel est ici », chapitre 48, verset 35. Ézéchiel, prophète de l'Esprit. Ézéchiel, prophète de la gloire divine, avons-nous dit. Mais quel contraste entre cette gloire et la situation quotidienne du prophète vivant au sein d'un peuple apostat et corrompu, car la tribu de Juda a renié son Dieu et oublié sa parole. Et ceci nous conduit à la troisième caractéristique de ce serviteur de Dieu, et elle est de beaucoup la plus importante. Ézéchiel, prophète rejeté. Né dans une famille de sacrificateurs, Ézéchiel a conservé son office en Babylonie. Pour lui, l'important n'est pas le temple qu'il a laissé derrière lui et ne reverra plus, mais le Dieu pour qui ce temple avait été dressé. Il demeure serviteur de Dieu alors que plus personne autour de lui ne se soucie de Dieu. Ézéchiel connaît la solitude, les moqueries, le rejet de la part de ceux qui auraient dû écouter son message. Tout semble vain. Même cet appel pressant de Dieu aux habitants de Jérusalem, appel qui reste sans réponse. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22, 30. Le prophète n'est pas à Jérusalem, mais en captivité. Il n'y a personne sur place pour se tenir à la brèche en faveur du pays. Alors, à distance, Ézéchiel veut être cet homme. Sa tâche n'est pas facile. Dès le début de son ministère, Dieu ne lui avait-il pas dit « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. » Ézéchiel 3, 4 à 7. Est-il aisé de prêcher à des gens qui ont décidé de ne pas écouter? Mais Ézéchiel ne peut se dérober à sa mission, car Dieu insiste. Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Ézéchiel 3, 10 à 11. Et plus loin, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Ézéchiel 3, 17 et 33, 7. L'expression « Fils de l'homme » apparaît 91 fois dans le livre d'Ézéchiel. Pourquoi Dieu s'adresse-t-il toujours à Ézéchiel par cette appellation? Tout est voulu dans l'Écriture, et la désignation « Fils de l'homme » ne fait que souligner le trait principal de la mission d'Ézéchiel. « Fils de l'homme », c'est un titre que Jésus s'est donné lui-même dans les Évangiles. Il y apparaît 78 fois, et chaque fois, il montre à quel point Jésus-Christ, Sauveur des hommes, est rejeté, méprisé, haï par les hommes. Deux exemples. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Matthieu 8, 20. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Matthieu 17, 22 à 23. Ézéchiel porte l'opprobre, il est rejeté des hommes, il connaît la souffrance, un peu comme Jésus-Christ que les Juifs ont exclu et rejeté. Ainsi, le chemin parcouru par le prophète est comparable à celui que le Fils de l'homme foulera jusqu'à la croix 6 siècles plus tard. Ézéchiel emploie aussi la forme de prédication que le Seigneur a utilisée lorsqu'il s'est adressé aux foules de Palestine. Ce langage symbolique des paraboles qui appartient au temps de désobéissance à Dieu et de mépris de sa parole. Ce langage que l'on retrouve aussi tout à la fin de la Bible dans l'Apocalypse. Peut-être qu'une première lecture du livre d'Ézéchiel vous a laissé une impression de complexité. Mais donnez-vous la peine de reprendre le texte dès le début. D'abord, Jérusalem est représentée par une brique, ses ressortissants par des cheveux, et l'envahisseur par un rasoir, chapitres 4 et 5. La déportation est préfigurée par le déménagement du prophète, chapitre 12. Puis, un cep stérile démontre combien le peuple d'Israël déchu de sa vocation est devenu inutile. Chapitre 15. Israël est ensuite comparé à un enfant abandonné et recueilli. Chapitre 16. Tandis que les peuples usurpateurs sont représentés par des aigles qui arrachent les rameaux d'un cèdre. Chapitre 17. Et les images se succèdent, fort variées. Les raisins verts, chapitre 18. Le jeune lion, chapitre 19. La chaudière bouillante, chapitre 24. Le troupeau, chapitre 34. Les ossements desséchés, chapitre 37. Dans les 24 premiers chapitres, Ézéchiel énumère les jugements qu'Israël mérite. Dans les 24 derniers chapitres, il montre des événements à caractère international puis mondial, châtiment des peuples d'alentour, rétablissement d'Israël face à ses nations, enfin, règne universel du Messie. Son rôle de sentinelle n'a pas empêché Ézéchiel de regarder au-delà du visible et des circonstances contemporaines à cet avenir où Dieu rappellera la nation rebelle et la ramènera à lui. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Ézéchiel 36, 26 à 27. Un jour, bientôt, Israël recevra un cœur nouveau. L'Esprit de Dieu, que le prophète Zacharie présentera comme esprit de grâce et de supplication, sera répandu sur le peuple juif. Il reconnaîtra son péché et sa culpabilité dans le crime de la crucifixion de Jésus-Christ. Dieu reprendra alors ses relations d'amour avec lui, et lorsqu'il se sera repenti, le Messie reviendra ici-bas. Il habitera à Jérusalem et instaurera une paix universelle parmi les nations, enfin délivré de l'injustice sociale, des guerres et des menaces nucléaires. Alors, les promesses messianiques se réaliseront, et en particulier le dernier mot du livre d'Ézéchiel, qui proclame, au sujet de Jérusalem, « Le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Et lorsque le Fils de Dieu régnera ici-bas à Jérusalem, sa gloire rayonnera de Jérusalem vers le monde entier. Ne valait-il pas la peine qu'Ézéchiel remplisse sa vocation de sentinelle et de prophète rejeté, de fils de l'homme abandonné par tous? Il a été témoin de Dieu, prophète de Christ et messager du Saint-Esprit. Il a annoncé la justice, la sainteté et la gloire de Dieu. Il a proclamé des siècles à l'avance le salut, le retour et le règne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il a témoigné de l'action, de la vie et de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu ne vous appellerait-il pas à devenir à votre tour dès aujourd'hui témoin de Dieu, sentinelle de Christ et messager du Saint-Esprit? Oh, que le Seigneur suscite à nouveau des hommes et des femmes, oui, des combattants de la trempe d'Ézéchiel !»